Chapitre 106. Que doit dire et faire celui qui mange sans parvenir à assouvir sa faim? 743. D'après Wahsh ibn Harb, radiyallahu anhu, des compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dirent: ô messager d'Allah, nous mangeons mais nous restons sur notre faim. Il dit, alayhi salatu wassalam, il se peut que vous mangiez séparément. Effectivement, répondirent les compagnons. Il dit alors: mangez ensemble et prononcez le nom d'Allah. Votre repas vous sera alors béni. Abu Daoud.